Chapitre 6e. Les poches d'Ikoteruka ne contenaient pas grand-chose. Un poignard, un pistolet automatique chargé, 5 billets de 10 piastres, un rouleau de cordelette et une minuscule torche électrique. Ce butin dut sembler maigre à l'inconnu, car il laissa échapper un grognement de désappointement et recommença ses recherches. Il ne trouva rien d'autre. Il resta pendant quelques instants à examiner les différents objets dont il venait de s'emparer et parut perplexe. C'était un petit anamite à la face imberbe, tordu par une sorte de ricanement qui le faisait ressembler à un singe. Il piqua Ikoteruka, toujours évanoui, de la pointe de son propre poignard. Le célèbre détective eut un violent tressaillement, ouvrit les yeux et vit son agresseur. « Dis-moi où sont les piastres ou je te tue !» lui souffla l'anamite avec un geste menaçant. Ikoteruka lentement reprenait ses esprits. L'anamite, voyant qu'il ne répondait pas, répéta sa demande. Ikoteruka, malgré son habituel sang-froid, resta effaré. Il s'attendait à tout, excepté à cette question. « Quel piastre ? » dit-il, autant pour gagner du temps que pour connaître les intentions de son interlocuteur. « Ah ! Tu ne te moqueras pas de moi ! Les piastres du Liang, tu le sais bien, ce sont elles que je veux. Me prends-tu pour un imbécile ? Tu vas les chercher maintenant, dis-moi où elles sont ou je te tue. » Ikoteruka leva légèrement la tête et regarda l'anamite. L'homme paraissait sincère. Un feu sombre brillait dans ses petits yeux bridés. Ikoteruka résolut d'éclaircir la situation. « Sais-tu d'où je viens ?»« Oui, tu étais à bord de la jonque, tu as sauté à l'eau, mais je t'ai vu et je t'ai rejoint. » « Et pourquoi m'as-tu poursuivi ?»« Parce que je sais que tu vas chercher les piastres, et je vais les avoir, ou au moins en avoir ma part. »« Écoute, l'ami, » expliqua tranquillement le détective japonais, « tu te trompes. Je ne sais pas plus que toi où sont les piastres. Comme toi, je les cherche. C'est pour cela que je me suis introduit chez Lampone, que j'ai suivi ses amis à bord de la jonque. Je suis chargé de retrouver le jeune Mitsui Jinzo, comprends-tu ? Et maintenant ?» Je voulais aller prévenir la police pour le faire prendre et toucher la gratification qui a été promise à qui le retrouverait. Si tu veux m'écouter, nous partagerons. » Le petit anamite fronça les sourcils. Il ne répondit pas et pendant une longue minute resta immobile, indécis. Ikoteruka devina ses sentiments. « Voyons, réfléchis. Si j'étais un ami des gens de la jonque, aurais-je eu besoin de sauter à l'eau ? Je n'aurais eu qu'à ne pas m'embarquer dessus, c'est pourtant bien clair. » Cet argument parut frapper l'anamite qui, toujours sans mot dire, coupa les liens en serrant les pieds et les poignets du détective. « C'est que j'étais bien volé » maugréa-t-il. « Ah, si je pouvais le tenir, cette haine. Il m'a trahi, volé et bafoué. S'il avait été à bord de la jonque tout à l'heure, je l'aurais tué moi-même. C'est pour cela que je me suis embarqué à bord. »« Tu me diras tout cela en marchant, » interrompit Ikoteruka. « Nous allons gagner Saigon, où nous préviendrons la police pour faire arrêter tout le monde. » « Et moi avec ? Non !» s'écria l'anamite en sursautant. « Ne crains rien. Je te donne ma parole que l'on ne t'inquiétera en rien, » assura le détective japonais. « Arrive !» Le petit anamite eut une dernière hésitation, puis, en silence, emboîta le pas à Ikoteruka. Tout en marchant, le détective se fit rendre son poignard et son revolver, puis il interrogea son compagnon. L'anamite ne se fit pas prier pour parler. Il raconta d'une voix âpre qu'il se nommait Ba. Il était matelot à bord de la chaloupe qui avait remorqué la jonque contenant les piastres. D'accord avec le chinois Heng, patron de la jonque, il avait projeté de s'emparer des piastres. Pour cela, il avait versé une poudre soporifique dans le riz des gens de la chaloupe. Vers le milieu de l'après-midi, les marins de la chaloupe s'étaient endormis les uns après les autres. Ba était resté seul, éveillé. Il avait alors stoppé la machine de la chaloupe, s'était mis à l'eau, il avait nagé jusqu'à la jonque pour s'entendre avec Heng. Or, à sa grande surprise, Heng avait disparu, et avec lui, tous les mariniers de la jonque. Ba, intrigué, avait arraché les scellés à poser sur le panneau de la cale et était descendu à l'intérieur de la jonque, et il avait constaté que la cale était vide. Les caissettes de piastres avaient disparu. Heng les avait emportées, mais comment ? Ba n'avait pu le savoir. Désespéré, enragé, il avait fait couler la chaloupe et la jonque avait gagné la berge à la nage, mais c'était en vain qu'il avait cherché Heng et ses hommes.